Non, non, je t'ai dit que j'étais pressé. Tu vas voir Louise? Regarde. Ouais. Bah non. Et bien sûr que si, Valérie. Mais vous avez un truc? Je sais pas, mais en tout cas, je te ramasserai pas la petite cuillère. Attends, ça fait 2 ans que ça s'est terminé, c'est bon? On va où? Bah où tu veux, moi je m'en fous. Je sais pas, mec, j'ai envie de voir mes potes, j'ai envie de sortir. Tu sais que si tu replonges, t'es mort.